mais je devinais ton âme. Tu es romantica, romantique et bohème. Tu t'en défends parfois, mais moi je sais tout ça. Je t'aime. Tes yeux sont malheureux quand notre ciel paraît moins bleu. Le rire d'un enfant, une fleur au printemps, le chant d'un feu de bois au fond. Tu sais rester toi-même, de peur qu'on rit tout bas, tu n'aimes pas montrer tes joies, car tu veux les garder pour toi. Tu es romantique, que je t'aime. Tu as fait de ma vie un univers de poésie. Est-ce là ton secret? Mais je le reconnais. Tous mes rêves sont faits à ton. Bohème. Je pense qu'ici-bas, tout mon bonheur, je te le dois.